Alors aujourd'hui, à la chronique technologie de l'information, on va sur un sujet quand même important et qui, j'espère, prendra de l'importance, le logiciel libre. Exactement. Enfin, on utilise un peu l'excuse d'une conférence qui sera présentée jeudi de cette semaine, jeudi 12 mars à 19h, à la bibliothèque Gabriel Leroy, qui s'intéresse au logiciel libre et à la façon par laquelle on pourrait mieux l'utiliser pour garnir nos postes informatiques, question de mieux travailler et question de tirer un peu plus du potentiel de ces postes et des logiciels existants pour nous appuyer dans notre travail. Ce sera une conférence qui sera présentée par Daniel Pascoe, qui est professeur au département des systèmes d'information organisationnelle à l'Université Laval. Et question de mettre la table en route justement vers ce jeudi, ben il est avec nous au bout du fil. Monsieur Pascoe, bonjour. Oui, bonjour. Et peut-être d'emblée, pour bien établir les termes, les éléments dont on va discuter, on parle ici de logiciel libre. Donc, pour les auditeurs qui, s'il en reste, ne savent pas de quoi il s'agit, pouvez-vous nous faire une petite mise en contexte? Oui, ben, les logiciels libres sont des logiciels qui ont été écrits par des gens comme n'importe quel logiciel, et ces gens ont choisi non pas de le vendre avec une recette plus ou moins cachée, parce que le logiciel, c'est comme une recette, on peut se la partager, mais ils les ont mis en commun. Et en les mettant en commun, ça permet à chacun d'apporter sa petite pièce et à tous de d'utiliser l'ensemble. En fait, le secret du logiciel libre, c'est qu'il y a des gens qui en font des petits bouts, qui les mettent ensemble, parce que pour utiliser un ordinateur aujourd'hui, il faut des logiciels très gros, et ces logiciels, à ce moment-là, deviennent disponibles à tout le monde. Et le succès de cette formule est tel que si on réfléchit un petit peu à l'heure actuelle, et que l'on essaye d'évaluer quelle est la proportion de logiciels libres exécutés tous les jours au Québec, et bien c'est probablement les trois quarts. Donc on a un phénomène extraordinaire. Le logiciel libre s'est imposé partout, puis les gens ne le savent pas et comprennent pas pourquoi. C'est un peu ce que je vais expliquer jeudi, et ensuite de montrer les conséquences une fois qu'on l'a compris. C'est-à-dire que si un chercheur, comme un de mes étudiants au doctorat, veut assembler la meilleure façon de réaliser ses travaux de doctorat, on s'aperçoit que finalement, les logiciels libres sont là et que son poste de travail rivalise et même dépasse en fonctionnalité ce qu'on peut obtenir en assemblant des logiciels propriétaires. Et ce qu'il faut dire quand vous mentionniez justement qu'il est partout le logiciel libre, il est véritablement partout. En fait, si on enlève le code libre aujourd'hui, l'Internet arrête de fonctionner, les automobiles avec l'informatique embarquée ne fonctionnent plus, la bourse ne fonctionne plus, le monde croule sans le libre. C'est ça. Le monde s'arrête. On retourne à 1950. Et ce qui est fascinant, c'est à quel point les gens réalisent pas justement l'importance de ce code-là et à quel point, dans le fond, tous les codes qu'ils utilisent, autant que les codes propriétaires, au bout du compte, sont basés à quelque part. Il y a des lignes de libre. Dans un iPhone, il y a du libre aussi. Oui, oui. Et en fait, tous ces gens-là utilisent le logiciel libre tout simplement parce que c'est devenu le meilleur. Et il y a toujours une certaine crainte, d'une certaine façon, quand on dit on passe vers un poste informatique qui est libre, avec des codes libres, où il y a toujours peut-être une idée préconçue qu'on peut avoir que c'est aussi du logiciel pour les experts, mais c'est de moins en moins le cas. C'est du logiciel qu'on peut utiliser click and play, comme on dit, autant que c'est des logiciels qu'on peut choisir de travailler puis de participer au développement de ces programmes-là aussi. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, si vous avez un téléphone Android, quasiment tout le logiciel de... L'essentiel du logiciel qui le fait fonctionner est libre aujourd'hui. Le téléphone que j'utilise en ce moment est 100% avec du logiciel libre. Si je vous le montre, il n'y a pratiquement aucune différence avec celui que vous allez avoir de chez Bell. Et d'une certaine façon, en termes d'organisation économique, j'imagine que d'avoir, par exemple, on parle d'une auto, je crois que j'avais lu quelque part, c'est pratiquement 100 000 lignes de code pour de l'informatique embarquée d'automobile, ben, de le faire, ça serait impensable. C'est pas 100 000, c'est 100 millions. 100 millions, mon Dieu, c'est encore... Et c'est encore pire. On imagine le coût. Dans votre téléphone cellulaire, il y a au moins 50 millions de lignes de code. Ça voudrait dire que si on voulait les réécrire à partir de zéro, ça coûte 1 milliard. Et comme elles existent déjà, elles ont été assemblées progressivement depuis 30 ans, ben, tout le monde s'en sert aujourd'hui. Et donc, c'est justement dans l'idée, quand on passe au poste informatique, mais c'est de se dire, ben, les logiciels sont construits par de l'assemblage de libre, donc, par extension, on peut faire la même chose avec nos postes informatiques pour assembler, pour aller chercher le maximum, dans le fond, tirer le maximum de nos bécanes, comme on dit. Tout à fait. Et c'est beaucoup plus facile quand on a un minimum d'expertise. C'est pas la portée de tout le monde. Mais si je prends l'Université Laval où je suis, c'est probablement des centaines, des milliers de personnes qui sont capables de faire cet assemblage et qui finalement n'osent pas ou ne pensent pas à le faire, alors que on peut faire parler ensemble des logiciels pour avoir, je montre la semaine prochaine, non, dans deux semaines, il y a un groupe à Québec qui s'appelle linux.org à l'intérieur de la ville de Québec, et puis je vais faire aussi une petite conférence pour montrer que si vous voulez faire de la généalogie, un des meilleurs logiciels de généalogie est libre, et il est très facile d'aller le chercher puis de l'installer. Alors les gens ont peur de ça, alors qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur. S'il y a une quinzaine d'années, quand j'ai découvert le logiciel libre, parce que c'est pas moi qui les ai écrits, c'était pas évident, il fallait vraiment que je me fasse aider beaucoup. Maintenant, c'est plus facile d'installer un logiciel libre sur son train. D'ailleurs, vous avez l'image, c'est-à-dire que le Apple Store, le etc., tout ça, ça a été inventé par le logiciel libre. Donc cette façon de mettre les logiciels puis de les rendre facilement intégrables dans une machine, c'est la façon normale de travailler avec le logiciel libre. Et d'une certaine façon, vous parliez de communauté tout à l'heure, Daniel Pascoe. Donc, il y a plein de gens qui travaillent à développer, à améliorer les logiciels, donc à les rendre aussi plus accessibles, plus conviviaux, etc., etc. Oui, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, quand mon étudiant a assemblé ça, il a choisi un wiki pour le mettre à l'intérieur de son poste de travail et il est rentré directement avec le développeur. Et donc, le contact entre un bon programmeur et le développeur est très, très, très direct. Qui fait que lui améliore des petits morceaux, puis ces petits morceaux vont être à la disposition de tout le monde. Il montre à quelqu'un, ça donne une idée, et hop, le logiciel évolue. Donc c'est un milieu extrêmement évolutif, mais où personne ne réinvente la roue. C'est une religion en quelque sorte. On ne refait pas ce que quelqu'un a fait qui est disponible. On l'utilise et on l'améliore. Ben, en fait, j'ai pourtant l'impression, Monsieur Pascoe, que les Google, les Microsoft, Apple dominent ce monde. Est-ce que c'est une simple question de mise en marché qui fait qu'on a cette impression qu'ils dominent le milieu informatique? D'ailleurs, si on allait ouvrir le capot de Google, tout est du logiciel libre ou du logiciel fait par eux pour eux. En fait, Google n'achète ou ne loue pratiquement aucun logiciel. Ou ils utilisent du logiciel libre ou ils le font eux-mêmes. Et souvent, quand ils le font eux-mêmes, si ce n'est pas très spécifique à leur métier, ils le rendent disponible aux autres pour que les autres puissent continuer à le faire évoluer avec eux. Facebook n'achète jamais de logiciel. C'est tout du logiciel libre derrière Facebook. Donc, d'une certaine façon, en fait, c'est de savoir où aller chercher des codes ou sinon où aller chercher les logiciels. Puis, comme vous disiez, comment les faire interagir aussi entre eux pour créer quelque chose de neuf, au bout du compte, mais à partir de matériel recyclé, entre guillemets. Oui, oui. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Android, il y a un répertoire de logiciels qui s'appelle F-Droid, dans lequel je vais chercher mes logiciels. Ça fonctionne comme celui de Apple, mais les 1500 logiciels qui sont là-dedans sont tous libres. Et à ce moment-là, au lieu de marquer le prix, on vous met la licence, puis vous pouvez vous connecter directement avec le développeur si vous êtes un bricoleur. C'est pas mon cas, je vais simplement les choisir. Par exemple, il y en a un qui s'appelle OSM Android, OSM And, qui fait à peu près, à peu de choses près, tout ce que fait Google Maps, mais qu'il fait avec un ensemble de cartes libres qui sont faites sous le mode de Wikipédia, ce qui fait que vous pouvez télécharger ces cartes qui sont souvent plus à jour même que celles de Google. Je vais aller chercher la carte de Québec, puis le petit morceau de route qu'on a construit à côté de chez moi dans un développement, il y est déjà. Et tout ça, c'est directement accessible. Et j'ai l'impression que ça s'ajoute en fait à une nouvelle culture du web aussi. Vous parlez de cartographie, ben l'idée de OpenStreetMap, donc de la cartographie participative, d'innovation ouverte, donc une culture de partage qui est basée sur le fait justement que les technologies nous permettent aujourd'hui plus que jamais de partager facilement. Oui, et d'ailleurs le Internet est né de cette philosophie de partage. Maintenant Internet est beaucoup occupé par des commerçants, mais cette philosophie de partage existe toujours, et d'ailleurs les commerçants l'utilisent beaucoup. Par exemple, la plupart des interfaces bien faites sur des téléphones sont faites avec un logiciel qui s'appelle Bootstrap. Ce logiciel-là est fait par Twitter, et Twitter le remet à la disposition de tout le monde. Parce que eux-mêmes, Twitter, n'auraient pas pu développer tout ce qu'ils ont fait s'ils n'avaient pas puisé largement dans le répertoire des logiciels libres. Donc, arriver à un moment donné, c'est l'intérêt de tout le monde. Parce que chacun va aller rechercher beaucoup plus que ce qu'il y met. C'est un peu la logique. On en met un peu ou on en met très peu et on peut aller rechercher l'essentiel, l'ensemble. Et au niveau du poste de travail, l'idée, c'est aussi de se dire, ben, on a nos ordinateurs qu'on utilise bien souvent pour du traitement de texte, pour du traitement d'image, pour aller sur Internet, mais on peut faire beaucoup plus. On peut indexer, analyser, cataloguer, publier, diffuser. C'est ça ce que je vais montrer. C'est qu'en fait, on utilise nos ordinateurs à l'heure actuelle pour les chercheurs, pour les étudiants, etc., pour des travaux périphériques, aller chercher, etc. Mais le travail qui est composer un document, créer quelque chose de nouveau, on est très peu aidé, alors qu'il existait des logiciels. Alors, ce que je montrerai, c'est comment un étudiant est allé chercher ses logiciels et on arrive de cette manière-là à avoir un poste de travail remarquable. C'est pas fini, c'est pas 100% abouti, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on a sans ces logiciels-là. En fait, il est allé chercher un wiki comme Wikipédia qui existe pour le poste de travail. Donc, il a, au lieu de partir du traitement de texte, il part du wiki, puis il le complète avec les fonctions tout autour. Et de cette manière-là, il a vraiment un outil de travail pour réfléchir et pour créer ces nouveaux documents à partir de l'analyse des documents existants. Et pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas, c'est quoi un wiki? C'est comme Wikipédia. Donc, c'est une forme, dans le fond, un outil autour duquel on peut partager. Donc, on peut plus facilement collaborer, corroborer, comparer, rechercher de l'information, etc. C'est ça. C'est un outil qui permet de créer des pages de texte. Et ces pages de texte sont indexées, toutes liées les unes par rapport aux autres. Et à partir de cet outil-là, ben on peut greffer des outils d'importation, d'exportation pour pouvoir aller imprimer, pour pouvoir se connecter à Internet, pour pouvoir faire des tas de choses comme ça. Et donc, c'est un outil de gestion du contenu, et à partir de cette gestion du contenu, de pouvoir créer de nouveaux contenus. Donc, quand je travaille avec mes étudiants sur des travaux, on s'est installé sur notre serveur un petit wiki, et qui est un peu à l'image de Wikipédia. Ça permet de créer des textes en commun très facilement. Donc, d'une certaine façon, c'est que plutôt que de dire « OK, on stocke l'information, puis des logiciels avec des répertoires de trucs comme ça », ben c'est plutôt de passer par l'information, donc de dire « OK, je génère du contenu, donc il faut que je classe, il faut que je gère à partir des contenus plutôt qu'à partir des logiciels qui les traitent. » C'est ça. C'est qu'on s'intéresse à la gestion du contenu, à l'accès au contenu. Alors, il y a des tas de petits logiciels dans tous les sens qui font ça, qui permet, à partir de poser un mot, de donner quelques mots, puis de retrouver les documents dans lesquels se trouve ce mot, etc. Donc, cette idée existe pas mal. Mais là, c'est de l'apprendre, puis de chercher un logiciel qu'il fait bien, et de construire tout son espace de travail autour de son travail, au lieu de le construire autour de logiciels préexistants qui, chacun, ne font qu'une petite morceau, et qui sont difficiles à faire communiquer. Donc, dans ce cas-là, je peux enrichir mon travail, je commence à travailler sur quelque chose et je peux me rendre compte plus facilement, OK, j'ai déjà rédigé ou exploré tel élément, donc ça va me donner des références ou ça va m'accompagner ou des choses comme ça? C'est ça, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire que l'étudiant, quand il fait son travail de recherche ou de doctorat, ou le professeur aussi, ça va aussi pour les profs, c'est pas juste pour les étudiants, on fait des lectures. Nous, quand on fait des lectures, on souligne des phrases, on tague ces phrases-là, puis ensuite, à partir de sélection des tags, je peux retrouver facilement tous mes morceaux de phrases, les réorganiser. À partir de là, il peut faire un petit graphique qui montre l'enchaînement des tags les uns par rapport aux autres, par rapport aux documents. Donc en fait, il y a des outils d'analyse qualitative, comme NVivo, qui est un logiciel propriétaire assez cher pour les étudiants, son poste de travail fait tout ça. Et d'une manière très simple, c'est-à-dire qu'il y a un bon logiciel libre qui s'appelle Zotero, s'intègre dans tous les furteurs sauf Internet Explorer, qui lui est fermé, qui permet d'aller chercher via la bibliothèque ou n'importe où, ou Google Scholar ou toutes ces choses-là, d'aller chercher des documents, on récupère les documents, mais ces outils comme Zotero ne peuvent qu'indexer les documents, ils n'indexent pas à l'intérieur des documents. Donc on récupère les documents, on les transforme en fichiers texte, ça c'est ce que fait des petits utilitaires parce qu'il en existe plein pour faire ça, puis une fois que c'est en fichier texte, lui il peut les afficher. Et il peut mettre en jaune les morceaux qui l'intéressent. Et associé à ça, il met un tag. Et par la suite, il peut retrouver automatiquement, à partir de l'ensemble des tags, et intégrer les morceaux de texte qu'il avait mis sous forme de citation, etc. Donc c'est quelque chose qui lui permet d'organiser le contenu de toutes les lectures qu'il a, et de pouvoir aller sélectivement chercher de ses contenus pour pouvoir fabriquer le document que maintenant lui est en train d'assembler, de nouveau sous forme d'un wiki interne. Qu'il peut partager avec d'autres. Et ce type d'approche-là, est-ce qu'on peut l'utiliser si on a un ordinateur, par exemple, qui est monté sur Windows ou sur Mac OS, ou est-ce qu'il faut nécessairement que ça soit monté sur une plateforme libre comme Ubuntu, par exemple? Non, ça peut être monté sur n'importe quelle plateforme parce que, je vous dis, il n'y a qu'une limite. C'est des logiciels qui sont déjà en eux-mêmes multiplateformes. Et puis, son logiciel qu'il a utilisé, lui, il est réalisé dans un langage qui s'appelle Python, et qui permet d'être exécuté sur n'importe quelle plateforme. Donc nous, on va faire la démonstration sur une plateforme libre. Les gens auront d'ailleurs la surprise de voir qu'elle est très conviviale, très facile à utiliser, et s'installe sur un ordinateur. Je veux dire, tous les logiciels dont il a besoin, en une demi-heure, s'installer sur un ordinateur, sans aucun problème. Donc, ça montrera aux gens que, finalement, ben non, c'est aussi facile qu'une tablette ou qu'un téléphone d'utiliser. D'ailleurs, Android, c'est une machine Linux. Vous prenez un téléphone, un Smart TV, c'est un ordinateur Linux. Ça se trouve partout, ça, maintenant. Et donc, maintenant, les interfaces sont très simples et de qualité. Et ensuite, quand vous voulez installer un logiciel sur une plateforme Linux, ben, ça se fait exactement comme installer un logiciel sur un téléphone. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, ben, donc, on lance l'invitation. Je rappelle, la conférence s'appelle Le meilleur poste de travail informatique est libre. C'est ce jeudi 12 mars à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. L'entrée est libre et la démonstration, donc, qui sera effectuée. Daniel Pascoe, donc, professeur à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Eh bien, Raymond, c'est à mon tour de te remercier. Donc, la conférence le 12 mars prochain. Merci, Raymond. On se retrouve lundi prochain. Oui, lundi prochain. D'ici là, si je veux avoir un peu plus d'informations sur la conférence, c'est itis.ulaval.ca.